بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستمر في هذه الدروس في شرح هذا الكتاب العظيم كتاب أصول الإيمان للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On continue donc cette série de cours dans l'explication de ce livre grandiose et bénéfique, le livre Usul al-Iman, les fondements de la foi de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. وقد وصلنا للحديث الواحد بعد العشرين. On arrive au hadith 21. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد والبخاري. Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, marfou'an, donc cette parole qui est élevée jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit عجب ربنا, notre Seigneur fut étonné de personnes qui furent rentrés au paradis bis-salasil, par les chaînes enchaînées, rapporté par l'imam Ahmed et al-Bukhari. Fi hadha al-hadith ithbatu sifati al-ajabi lillahi ta'ala. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut d'étonnement concernant Allah ta'ala. Wal ajabu lillahi laysa kal ajabi lil makhluq. Et l'étonnement concernant Allah n'est pas comme l'étonnement de la créature. Wa hadha kama naqulu fi sa'ir as-sifat. Et cela comme nous disons pour les autres attributs, pour tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fi majmu' al-fatawa. وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مكرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شيء عليم فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم. انتهى. شيخ الإسلام ابن تيمية, il dit comme dans Majmou al-Fatawa, il dit en ce qui concerne sa parole, l'étonnement, c'est le fait de caractériser, ce pourquoi on s'étonne de grand. On le caractérise comme étant quelque chose de grand. Alors, à ce moment-là, nous disons oui, effectivement. Cheikhoul Islam qui nous disons oui, effectivement. Il se peut que ceci, donc cet étonnement, il se peut que ceci soit lié à de l'ignorance. De l'ignorance à cause de l'étonnement. En général, une personne qui est étonnée de quelque chose, parce qu'elle ne savait pas que ça allait arriver, elle est étonnée. Ah, je suis étonné qu'aujourd'hui, on ait commencé le cours à telle heure. Ou alors, certains frères qui ont vu que hier, j'ai dit, avant le début du cours, on commence le cours après Rakaté al-Sunna. Aujourd'hui, je n'ai pas dit, on commence le cours après Rakaté al-Sunna, parce que le cours, il est moins long. On peut faire après. Et donc, il se peut que certains soient étonnés. Ah, je suis étonné, je pensais. Parce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est lié à une ignorance. D'accord ? Ensuite, il continue, Cheikhoul Islam de Noutaymi, et il dit... Et il se peut que cet étonnement soit lié à ce qui sort du commun. Ce n'est pas que tu ne sais pas, mais c'est que ça sort du commun. Par exemple, on a Jamel qui va venir, il se lève, il porte le bureau comme ça, facilement. Je veux dire, je suis étonné, mais je savais qu'il est capable de le faire ça. Parce que Jamel, alors ma berek, ça se voit, il a les bras. Donc, c'est pas... Je le sais, mais je suis étonné parce que c'est quelque chose qui sort du commun. Quelque chose qui sort du commun, c'est quelque chose d'étonnant. Et donc il nous dit, Cheikh l'Islam, il nous dit, donc il se peut que l'étonnement soit dû à l'ignorance, Et il se peut que l'étonnement soit dû à quelque chose qui sort du commun, en fait. Une cause qui sort du commun. Et donc, concernant Allah tabaraka wa ta'ala, on va parler de quel type d'étonnement? Le deuxième. Le deuxième. C'est pour ça qu'après, il dit, Cheikhoul Islam, il dit, et Allah ta'ala, il connaît toutes choses. Et donc, il n'est pas permis. Il n'est pas permis que Allah tabaraka wa ta'ala ne sache pas la cause pour laquelle il fut étonné. Mais au contraire, Allah est étonné d'une chose, Allah est étonné d'une chose parce que cette chose sort du commun. Et Allah le fait justement pour caractériser cette chose de grandiose. Cette chose, elle sort du commun et donc elle est grandiose. Et Allah tabaraka wa ta'ala va caractériser de grand ce qui est grand. إذن لا يفهم من هذه الصفة أن الله تعالى لا يعلم سبب الشيء الذي تعجب منه. Et donc on ne comprend pas de cet attribut l'étonnement que Allah ne connaît pas la raison de la chose pour laquelle il s'est étonné. وهذا لا يجوز في حق الله. Et cela n'est pas permis concernant Allah. Cela n'est pas permis de penser que Allah ne connaît pas la raison d'une chose. Allah connaît toute chose. ويجب إثبات هذه الصفة لله تعالى استدلالا من هذا الحديث. Et donc, il est obligatoire d'affirmer cet attribut à Allah Ta'ala en se basant sur ce hadith. On ne peut pas rejeter. Le hadith, il est authentique. On affirme que Allah Tabaraka wa Ta'ala, parmi ses attributs, il y a al-ajab, l'étonnement. Cependant, ce n'est pas comme l'étonnement de la créature. وأيضا من الأدلة قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون. Parmi les preuves, il y a le verset, la parole بل عجبت ويسخرون. Mais je fus étonné et ils se sont moqués. Ton commentaire? Il y a deux riwayats. Hein? Il y a deux riwayats. Chez vous en Tunisie, c'est quoi? حفص بل عجبت. بل عجبت. بل عجبت. La riwayat. Et donc, il y a deux récitations pour ce verset. Deux récitations. Une récitation, bel ajibtu, mais je fus étonné. Et une autre récitation, bel ajibta, mais tu fus étonné. Ô Mohammed. Et donc, et les deux récitations sont authentiques. Les deux récitations sont authentiques. La première récitation que j'ai citée, bel ajibtu, avec la Dhamma, je fus étonné. Donc c'est la récitation donc, qui est connue donc, de Hamza, El-Kisai et Khalef. Et Bel-Ajibta, donc tu fus étonné, ça c'est toutes les autres récitations, les sept autres récitations. Et donc dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il fut étonné du fait que ces gens-là continuent à mécroire et à rejeter la vérité malgré les preuves évidentes. Mais cela ne veut pas dire que Allah tabaraka wa ta'ala ne connaît pas la cause de cela. Et donc on ne confond pas l'étonnement concernant Allah tabaraka wa ta'ala avec l'étonnement concernant les créatures. وَأَهْلُ الْأَهْوَى أَنْكَرُوا هَذِهِ الصِّفَةِ سَائِرِينَ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي رَدِّ الصِّفَةِ. Et donc les gens de la passion, ils ont rejeté cet attribut. Ils ont dit on ne peut pas dire que Allah, il est décrit par l'étonnement. Comme d'habitude, la même règle qu'ils ont, ils disent non, on ne veut pas chercher à faire ressembler Allah à ses créatures, etc. Mais ils se basent toujours sur le fait qu'ils s'appuient sur ce qu'ils connaissent des créatures. Ils vont dire la créature elle est comme ça, et donc l'étonnement concernant Allah ne peut être que comme ça. On leur dit non, Allah il a dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à lui. Et donc tu affirmes ce qu'il a affirmé pour lui-même, sans que cela ne ressemble à aucune des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ce principe, il est très important. Wa fil hadith anna Allah ta'ala ajiba min qawmin yadkhuluna al-jannata bis-salasil. Il y a dans ce hadith le fait que Allah fut étonné d'individus qui sont rentrés au paradis enchaînés. Enchaînés. Fahum usiru hala kawnihim kuffaran. فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِي إِسْلَامِهِمْ. Et donc ces gens-là, ils furent prisonniers lorsqu'ils étaient incroyants. Lorsqu'ils étaient incroyants, ils furent prisonniers. Et ceci a été une cause de leur conversion à l'islam. تأملوا في رحمة الله تعالى. Méditez sur la miséricorde d'Allah Ta'ala. فهذا أمر عجيب. Ça c'est quelque chose de surprenant. الجنة يدخل المرء فيها بأسباب. Le paradis, l'individu va rentrer au paradis par des causes. Par des causes qu'il va accomplir. قد يرغب المرء في هذه الأسباب, هذه الأعمال التي تدخله الجنة وقد لا يريدها. Il se peut que l'individu, il ait envie d'accomplir ces actes qui font rentrer au paradis. Et il se peut qu'il n'ait pas envie. Il se peut qu'il n'ait pas envie. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْدِيهِ إِلَى الْقِيَامِ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ بِسَبَبٍ يَكْرَهُهُ. Et Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment, il va guider cet individu jusqu'à ce qu'il accomplisse les causes qui lui permettent de rentrer au paradis. Allah va le guider pour qu'il accomplisse les œuvres lui permettant d'entrer au paradis par des causes que cet individu n'aime pas. Comme ici, un homme qui a été prisonnier. Qui est-ce qui aime être prisonnier? Mais là, ça a été une cause pour qu'il soit guidé vers l'islam. D'autres personnes sont guidées vers l'islam par la mort d'un proche. Ça lui fait un choc. Ou alors, sa femme qui l'a quitté, ou on ne sait pas, d'autres raisons. Plein de raisons qui peuvent faire mal à l'individu. Ça va être une cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guide vers l'islam. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Le fait qu'un individu, il se peut qu'il n'ait aucune envie de venir vers cette religion. Il n'a aucune envie, mais Allah tabaraka wa ta'ala va le guider par une cause que celui-ci le déteste. Par une cause qu'il déteste. Et ça nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez quelque chose et c'est un bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il se peut que vous aimez quelque chose et c'est un mal pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait, mais vous ne savez pas. Et donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui sait où est le bien nous concernant. فالأمر المكروه قد يكون سببا في هداية الناس إلى دخول الجنة. Et donc le sujet, la chose détestable, il se peut qu'elle soit une cause pour que les gens soient guidés au paradis. Le hadith numéro 22, l'auteur il nous dit: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري. Selon Abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه qui dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: aucun ne patiente plus sur une nuisance qu'il entend que Allah. Personne ne patiente plus sur une nuisance qu'il entend que Allah. Il lui attribue un enfant. Et celui-ci leur accorde la santé et leur accorde la subsistance. Rapporté par Al-Bukhari. هذا الحديث فيه أن الله يتأذى من أفعال وأقوال عباده. Il y a dans ce hadith le fait que les paroles et les actes des serviteurs d'Allah peuvent le nuire. Nuire à Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, on revient encore à la même règle qu'avant, c'est pas la même nuisance que les créatures. C'est-à-dire, c'est pas une nuisance où Allah il est blessé, où cela va faire du mal à Allah tabaraka wa ta'ala. Non, pas du tout. Laysa kamithlihi shay. Rien de lui est semblable. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, les actes et les paroles de ses serviteurs vont le nuire. Allah, il dit, « Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasoolahu la'anahumullahu fi dunya wal akhira. » Certes, ceux qui vont nuire à Allah et son messager, Allah les a maudits ici-bas et dans l'au-delà. « Wa a'adda lahum azaban muhina. » Et il leur a préparé un châtiment avilissant. وهذا وعيد Minallahi ala alladhina yukhalifuna awamirahu. Les savants nous disent que ce verset est une menace terrible venant d'Allah tabaraka wa ta'ala à tous ceux qui vont s'opposer et se détourner de ses ordres. Car les personnes vont nuire à Allah tabaraka wa ta'ala par la mécréance, le polythéisme, les péchés, etc. Et donc, il faut qu'on fasse attention à cela. Il faut qu'on fasse attention à notre relation avec notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. وَكَذَلِكَ comme on a vu hier aussi, مَنْ يُحَاوِلُ التَّنَقُّسْ مِنْ حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et aussi ceux qui veulent chercher à rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il va les maudire ici-bas et dans l'au-delà. وَفِي الصَّحِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ يُؤْذِينِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِ الْأَمْرِ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Dans Sahihayn, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que Allah Ta'ala, il dit donc dans le hadith al-Qudsi, l'enfant d'Adam me nuit. Il insulte le temps et je suis le temps. Tout est entre mes mains. Je change le jour et la nuit. Est-ce que parmi les noms d'Allah, il y a Ad-Dahr? Là? Et donc, Naam, là. Parmi les noms d'Allah, le mot Ad-Dahr ne fait pas partie des noms d'Allah. Ici, quand Allah dit Anad-Dahr, je suis le temps, ça ne veut pas dire que son nom, c'est le temps. Il explique tout de suite après ce qui est voulu par là. Uqallibu al-layla wa an-nahar, je change le jour et la nuit. C'est lui qui gère le temps. C'est lui qui gère le temps. Et donc, lorsque la personne va insulter le temps, cette personne va insulter celui qui a créé ce temps. Celui qui a fait que ce temps, il est comme ça. Voilà donc ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous montre dans ce hadith Qudsi. فَاللَّهُ تَعَالَى يَتَأَذَّى مِنْ أَفْعَالِ عِبَادِهِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَدُرُّهُ. Et donc Allah, les actes de ses serviteurs vont le nuire, mais ne lui font pas de mal. Les actes de ses serviteurs ne lui font pas de mal. Allah Ta'ala, il dit, إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَدُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Certes, ceux qui ont favorisé la mécréance à la foi ne feront aucun tort à Allah. Ne feront pas de mal à Allah. Cela ne fait pas de mal à Allah. Pourquoi? لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْنَا. Allah Rani. Allah n'a pas besoin de nous. لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِيمَانِنَا. Il n'a pas besoin de notre foi. وَكُفْرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَدُرُّهُ. Et la mécréance de ceux qui ont mécru ne lui fait pas de mal. Ne lui fait pas de mal, tabaraka wa ta'ala. Allah, il dit, إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Si vous mécroyez, vous et tous ceux qui sont sur la terre. Si vous mécroyez, vous et tous ceux qui sont sur la terre, alors certes, Allah, la Rani, Allah est celui qui se passe de tout. Il n'a pas besoin de vous. Hamid, le digne de louange. Allah, il n'a pas besoin de nous, même si toute la terre, elle mécroit. Tout le monde délaisse l'islam. Il n'a pas besoin de nous, tabaraka wa ta'ala. Mais c'est nous qui avons besoin de lui. Wassomed. C'est nous qui avons besoin de lui dans tout ce que nous faisons. Chaque respiration que tu as besoin d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Idhan, nahnu nuthbitu lillahi ma athbatahu li nafsihi. Wa min dhalika annahu yata'adha. ولكن الأذى المنسوب إلى الله ليس كالأذى المنسوب إلى المخلوق. Et donc nous affirmons concernant Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même. Et parmi cela, il y a donc le fait que les actes et les paroles des serviteurs vont nuire à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la nuisance qui est attribuée à Allah n'est pas comme la nuisance qui est attribuée à la créature. وفي الحديث أَنَّ نِزْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى اللَّهِ يُؤْذِيهِ. Il y a dans le hadith le fait que affirmer un enfant, attribuer un enfant à Allah va le nuire. وَهَذَا مِنْ أَشَدِّ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ. Cela fait partie des plus grandes formes d'injustice. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ. Car Allah, c'est lui qui les a créés. ثُمَّ يَجْعَلُونَ لَهُ الْوَلَدِ Et ensuite, ils vont lui attribuer un enfant. فَيَجْعَلُونَ هَذَا الْوَلَدِ شَرِيكًا لَهُ فِي مُلْكِهِ وَفِي خَلْقِهِ Ils vont donc, en fait, faire de cet enfant par la suite un associé à Allah dans sa royauté, dans son royaume et dans sa création. تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْوَالِدُ يَحْتَاجُ إِلَى وَلَدِهِ Et le père a besoin de son enfant. Et donc ceci est une injustice profonde d'attribuer un enfant à Allah tabaraka wa ta'ala. Le faire ressembler à ses créatures, lui accorder un attribut de faiblesse. Allah est exempt de tout cela. Allah ta'ala, il dit dans le Coran, un verset que j'ai souvent cité ici dans cette mosquée et ailleurs. Mais ça nous fait du bien de relire ce genre de paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah qui nous dit « وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا » Et ils dirent que le tout miséricordieux a un enfant. Et ils dirent que le tout miséricordieux a un enfant. « لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًا » Vous avancez certes quelque chose d'abominable. Allah a caractérisé cette parole d'abominable. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent à cause de cette parole. À cause de cette parole, les cieux qui s'entrouvrent, la terre qui se fend. Les montagnes qui s'écroulent à cause de cette parole. À cause du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Et Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il est impossible qu'il s'attribue un enfant, il est impossible qu'il ait un enfant. Voilà pourquoi les chrétiens ils sont souvent gênés lorsque vous leur posez cette question. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites que Dieu a engendré Jésus? Lorsqu'on vous dit cela, et que cela est cité dans la Bible, le mot « engendré », c'est un terme qui est utilisé pour les créatures, le fait d'avoir des rapports et le fait d'engendrer par la suite. C'est utilisé pour les animaux. Quand tu leur dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas possible de donner une réponse correcte après cela. Et donc, c'est une parole qui est gravissime. Une parole qui est très lourde. Voilà pourquoi nous devons tous, nahnu fi hadhihi al-bilad, yajibu alayna an najtahid. Il nous est obligatoire de nous efforcer pour expliquer la vérité aux gens. À la base, toi, ayyuha al-muslim, alayka an ta'isha fi bilad al-muslimin. Toi, ô musulman, tu dois vivre dans les pays musulmans. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhari al-mushrikin. Je me désavoue, le prophète il dit. Je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les polythéistes. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ya ibadi alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu, inna ardi wasi'a fa iyyaya fa'budun. Oh vous qui avez cru les croyants, ma terre est vaste. Alors adorez-moi justement par le fait d'aller vers cette terre. Inna alladhina tawaffathum al-mala'ikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Certes, ceux que les anges ont fait mourir, ils leur dirent, quelle était votre situation? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils dirent, nous étions affaiblis sur la terre. On était affaiblis, c'est pas notre pays, ils font les lois, on peut pas faire l'Eden, on peut pas faire ci. Nos filles, on doit les amener dans l'école sans hijab. on était affaibli. La salat, c'est difficile parce que le patron, c'est pas un musulman, il veut pas que je fasse ma salat. On est affaibli sur terre. On est affaibli sur terre. Quelle est la réponse ? Oulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Alors ceux-là, leur refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination, quel mauvais refuge. Fa'al mafroud annana nahnu nakun ma'al muslimin. Taib lakin anta huna. La base, c'est qu'on soit ici avec les musulmans. Oh, excusez-moi, qu'on soit dans les pays musulmans. Mais tu es ici. Pour quelconque raison, quelconque cause, tu es ici. Time. Alal akol. Intahiz hazil forsa. Li da'wati nasi ila l'islam. Tu es ici, profite pendant que tu es ici au minimum pour appeler les gens à l'islam. Profite. Ne pense pas qu'à l'argent, aller travailler au Luxembourg, ou aller travailler en Suisse, ou en Allemagne, ou je sais pas où. Ne pense pas qu'à l'argent. Lorsque tu vas mourir, cet argent que tu touches au Luxembourg, la retraite luxembourgeoise, c'est pas elle qui va aller dans ta tombe. C'est pas cette retraite qui va aller dans ta tombe lorsque tu vas mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « An yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humni na'am » Le fait que Allah guide par ta cause un homme, un seul homme, il guide par ta cause. C'est mieux pour toi que les richesses d'ici-bas. Khayrun na'am, c'était les plus grandes richesses que possédaient les Arabes à cette époque. Et donc, il est important, ô mes frères, qu'on s'efforce, tout un chacun. Tu as des voisins, tu as des proches, des collègues de travail, ton patron. Montre-leur la vérité. Qu'est-ce que l'islam ? Montre-leur qu'est-ce que l'islam. Et aide-les à délaisser cette parole immonde, le fait de dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il a un enfant. واختلف العلماء في تسمية الله بالصبور. Et les savants, ils ont divergé concernant le fait d'appeler Allah par le nom As-Sabur. Le fait d'appeler Allah par le nom As-Sabur. فطائفة تثبت هذا الاسم لله مستدلين بحديث أبي هريرة في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما مئة غير واحدا من أحصاها دخل الجنة ثم سرد أسماء ومنها الصبور. Et donc les savants, ils ont divergé. Et parmi les savants qui vont affirmer que le nom As-Sabur fait partie des noms d'Allah. Et donc, ces savants-là, ils s'appuient sur le hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu qui est dans Jami' al-Tirmidhi. Dans lequel il affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a 99 noms. 100 moins 1. Celui qui les dénombre rentre au paradis. Celui qui les dénombre rentre au paradis. Et qu'ensuite le prophète, il a cité des noms. Et que parmi ceux-ci, il y a As-Sabur. Le nom As-Sabur. لكن هذا الحديث كما ذكره العلماء ومنهم شيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث صحيح دون سرد الأسماء. Ce hadith, il est authentique sans la citation des noms. Sans la citation des noms. Et ce hadith, on le connaît, il est connu. On l'a déjà entendu. Certes, Allah a 99 noms, celui qui les dénombre rentrera au paradis. Ce hadith, il est connu. Mais le fait de citer les noms après ça, le cheikh, il nous dit ça, cette version-là, elle est faible. Et cette version avec la citation des noms n'est venue qu'avec des chaînes de transmission qui sont faibles. Et donc, ce hadith est faible. Et donc, il n'y a pas de preuve, comme il dit, cheikh Ibn Baz, rahimahullah, pour affirmer que Allah a un nom, il faut avoir une preuve. Les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala demandent une preuve du Coran ou de la Sunna. Tu ne peux pas affirmer comme cela. Et donc la vie le plus juste, inshallah ta'ala, est que on ne peut pas appeler que le nom As-Sabur ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. On a fini pour aujourd'hui. Juste une petite question avant de vous laisser. Deux petites questions avant de vous laisser. Comme on a vu, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Certes, Allah, il a 99 noms. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a que 99 noms? Là. Donc ça c'est important déjà. La Bouddha min fahmi hadha al-amr. Hadha al-hadith la yadullu ala anna Allah ta'ala lahu tis'a wa tis'ina isman faqat. Ça ne veut pas dire que Allah il n'a que 99 noms. Aujourd'hui tu me demandes, les savants ils donnent un exemple. Tu me demandes combien d'argent j'ai. Je vais te dire j'ai 5 euros. Parce que j'ai 5 euros dans ma poche. Mais ça ne veut pas dire que j'ai que ça. Ça ne veut pas dire que j'ai que ça. Et donc ça c'est important. Ensuite, men ahsaha, celui qui les dénombre. Est-ce que ça veut dire que si tu connais Sabour, si tu connais Al-Shakur, Al-Rahman, Al-Rahim, si tu connais tous les noms, tadkhul fil janna, tu rentres au paradis? C'est l'application. L'application. Men ahsaha, haqiqatan, celui qui les dénombre réellement, qui applique ces noms. Tu sais que Allah Azza wa Jal, huwa al-Ghafur. Tu ne vas donc pas délaisser le fait de demander le repentir, de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc voilà, ça c'est important par rapport à ça. Et c'est justement ce livre-là, Usul al-Iman, on va passer, on va voir beaucoup, beaucoup parmi les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.